Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de En route vers l'insertion. C'est Chris et pour ce nouveau numéro, je reçois Christian Gambade, président de l'ACR de Remiremont et Yveline Montlevrand, trésorière d'ACR. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Christian Gambade, je suis le président de l'association culturelle depuis 2014. D'accord. On travaille sur le quartier du Rumans, sur le quartier du Fouchot. Mmh. On est en partenariat avec Vaugilis. On a fait les jardins partagés dernièrement avec Vaugilis, Sicovad. Mmh. On travaille avec aussi le centre social. D'accord. Je laisse la parole à Yveline. Oui, qu'est-ce qu'on a fait très récemment ? Un projet qu'on a réalisé assez facilement, qui est un projet de jardin partagé en liaison avec le Sicovad pour les éco-gestes et le compostage. D'accord. Et ça a bien fonctionné. Mmh. L'important, c'est de créer du lien social, de faire que les gens se rencontrent. Mmh. Et ça, c'était un projet, j'allais dire qu'on a été presque dépassé par le résultat, parce que ça a fonctionné de façon très harmonieuse. Et puis, on espère que ça va continuer, que ça va pouvoir s'étendre. Mmh. Ben, on espère aussi. Tout d'abord, que signifient les initiales ACR, Association culturelle du Rumont. D'accord. Là. Donc, est centré sur le quartier, mais un de nos objectifs, c'est de faire sortir les gens du quartier aussi. D'accord. Hein, et de faire rayonner un peu le quartier autour. Hein. D'accord. Quand est-ce que cette association a été créée ? En 2014, avril 2014. D'accord. Cette association, est-ce qu'elle a été... Elle a toujours été au Rumont ou pas ? Non, c'est une nouvelle association qu'on a créée en 2014. Parce que sur le quartier, il n'y avait vraiment plus rien. Je voyais les enfants faire du fête de quartier, des petits-enfants monter les barnums, tout ça. J'ai dit, bon, on va essayer de voir pour créer une association. D'accord. Et donc, concernant les objectifs et les missions de cette association, est-ce que vous pouvez développer un peu plus ? Oui. On fait des sorties avec les enfants. Le 7 juillet, on a fait une sortie poney à la Grange du Temps. D'accord. Auparavant, l'année passée, on a fait une sortie aussi au domaine des tranches. D'accord. Que les enfants, ils ont bien aimé. Mm-hmm. Là, septembre, octobre, on prévoit une sortie au parc du Château avec les enfants. D'accord. En partenariat avec Vaugilis, mm-hmm. qui nous aide beaucoup. D'accord. Quand on a besoin de quelque chose, on leur fait appel. Pour les jardins, ils nous ont offert les planches pour faire les bacs, tout. Mm-hmm. La mairie de Remiremont nous a offert la terre. D'accord. Sicovad a ramené les composteurs. D'accord. Mais là, on a la recherche d'un local. D'accord. Parce qu'on n'a pas de local, ça fait au moins 3 ans, voire plus. Donc du coup, s'il n'y a pas de local, comment représenter cette association ? Ah ben, de bouche à oreille. D'accord. Oui, voilà. On aimerait bien faire des réunions dans le quartier du Rumont pour expliquer aux habitants, à tout le monde comment on travaille, mais on ne peut pas. D'accord, oui, parce qu'il n'y a pas de local. Il y a un local en attente qui doit être mis à disposition par Vaugilis, mm-hmm. pour trouver quelqu'un qui puisse payer les charges. Bien sûr. C'est pas que les petites subventions qu'on a pour qu'on peut se permettre. C'est pas grand-chose, on demande un local. Ah, peut-être monsieur le maire le fera. Peut-être. Pour espérer. Oui. On espère. Et alors, comme c'est un quartier politique de la ville, mm-hmm. c'est l'intercommunalité qui reprend, donc peut-être aussi il y aurait une ouverture de ce côté-là, on ne sait pas. Hein, c'est l'intercommunalité qui a repris les quartiers politiques de la ville, la gestion, donc on ouvrira peut-être aussi de ce côté-là, au-delà donc de la ville de Remiremont. D'accord. Donc, quel est le fonctionnement de cette association ? Fonctionne-t-elle sous forme d'adhésion volontaire ou autrement ? Alors, je dirais des adhésions volontaires et puis des regroupements plus ou moins spontanés de personnes. D'accord. qui ont envie de faire quelque chose. Disons que nous, on propose et les gens y viennent, je dirais, assez spontanément pour participer. D'accord. Donc, j'imagine que l'association, elle contient des bénévoles. Oui. Et combien de bénévoles à peu près ? On dirait une cinquantaine. D'accord. Okay. Et en plus des bénévoles, est-ce que l'association culturelle du Rumont compte des employés ? Non. Non. Que du bénévolat ? Oui, absolument. Oui. D'accord. Il y a monsieur Glenn d'Agassi qui nous aide aussi, qui nous a ramené les planches, qui était allé chercher dans une scierie pour nous. D'accord. Ah oui, c'est très très gentil. Est-ce que l'association culturelle du Rumont compte plusieurs établissements ou est-ce que l'établissement du Rumont est le seul? Disons, on a le Rumont, on a le petit Rumont qu'on appelle le Fouchot. D'accord. Là, au printemps, on envisage de s'étendre, de faire des petits bacs dans les écoles. Mmh. On a déjà deux avancées, deux écoles. Mais je ne peux pas dire le nom, parce que si ça ne se fait pas, je passerai pour un idiot. Ouais. Donc, je propose que nous nous accordions tout de suite une première pause musicale. Nous allons écouter « Qui saura » de Mike Brandt. Et on se retrouve juste après. Très bien. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Retour sur Radio Guémozo. Vous venez d'écouter Qui saura de Mike Brandt et nous sommes toujours avec Christian Gambade et Yveline Montlevrand. Ça va toujours ? Ça va. Ça va toujours. Ça va. Donc on va poursuivre l'émission. Comment cette association œuvre-t-elle en matière d'insertion des gens dans la société ? Alors il faut déjà dire que bon. Remiremont est une ville où il y a quand même beaucoup de gens qui sont en précarité, particulièrement groupés sur le quartier du Rumont, il faut bien le dire. Mmh. Et donc, faire venir des gens et leur apporter une sortie du quartier, leur apporter des activités valorisantes et du contact, c'est notre objectif principal. D'accord. L'autre priorité aussi... ça c'est un petit peu en référence avec mon action depuis longtemps, c'est donner la priorité aux enfants et aux jeunes. Parce que bon, on dit souvent les enfants, c'est notre avenir. Mais je veux dire, sur un quartier, c'est les forces vives du quartier. D'accord. Et donc, même si à l'heure actuelle, le quartier se dépeuple et on a moins d'enfants que précédemment, je pense que c'est une priorité qu'on conserve. Pratiquement, les deux tiers de nos activités sont centrées autour des enfants et des jeunes. D'accord. Alors, le problème des jeunes, c'est que bon, bah, ils n'ont pas énormément de débouchés au niveau de la ville, même de la région. Donc, dès qu'ils sont un petit peu bon, étudiants, etc., bon, soit ils n'ont rien sur le quartier, soit ils sont obligés de s'expatrier. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile. Je pense qu'ils sont plus en difficulté encore. Mais bon, là, on a un petit peu de mal, nous, à les aborder. On travaille plus avec les familles et les petits-enfants. D'accord. C'est vrai, les jeunes, sur Amirmont, il n'y a pas grand-chose. Mm-hmm. Les jeunes, ils partent faire leurs études, Nancy, Strasbourg, Paris, ils ne reviennent plus. Oui, bien sûr. Et l'avenir de Remiremont et Savallée, c'est les jeunes. Parce que dans quelques années, moi je dis, il n'y aura plus que les anciens. Donc vous êtes au sein de l'association depuis combien de temps? Ça fait... Bah, 2014. Ça fait 5 ans déjà. Ouais. 5 ans. Oui. Bah, on est tous les deux à avoir participé, à avoir créé cette association. On a participé à sa création. D'accord. Oui. On a notre vice-présidente qui est toujours avec nous, mais qui s'est expatriée pour aller travailler ailleurs. D'accord. Ouais. Une médiatrice sociale qu'on aurait bien aimé qui reste sur le secteur. Bah, elle est obligée de s'expatrier. Je tairai son nom... Je ne veux pas faire de pub pour elle, mais elle est partie à 60 km d'ici. D'accord. C'est dommage qu'on l'a laissée partir. Donc cette association se nomme, on le rappelle, Association culturelle du Remont. Oui. Et par quoi passe cet aspect culturel? Alors, par exemple, on a fait une expérience l'année dernière qui a été positive, de demander à l'association CTPS, alors ça je ne saurais pas vous décoder le sigle, donc qui travaille avec le Théâtre de la Miroiterie sur Remiremont, de venir présenter un petit spectacle donc, de leur crue sur l'école du Rumeau. Alors là c'était de 2 ans à 9 ans, et bon ça a beaucoup plu à la fois aux comédiens qui sont venus travailler et aux enfants. D'accord. Donc ça c'est un des aspects, effectivement. Alors un autre... aspect aussi qui est, j'allais dire, à côté du culturel, mais qui s'en rapproche, c'est toute l'éducation à l'éco-geste, à l'écologie, et à tout ce qui est permaculture, donc on essaie de mettre en place petit à petit. D'accord. Est-ce que tous les bénévoles, donc une cinquantaine de bénévoles, est-ce qu'ils œuvrent tous dans les mêmes chantiers, entre guillemets, ou est-ce qu'à chaque bénévole est confié une mission particulière? Non. Les gens, ils viennent avec nous, c'est sur le tas, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, il y en a un qui dit, un exemple, je vous donne, il va s'occuper des barbecues, l'autre, il va s'occuper de gérer les enfants. Mm-hmm. D'accord. C'est comme ça. D'accord. Je suis le président, mais je commande pas les gens. D'accord. Et donc, les chantiers d'insertion au sein de l'Association culturelle du Remont, quels sont-ils? Chantier d'insertion, non, c'est faire des sorties, fêtes de quartier, d'accord, sorties poney, mais on ne fait pas de chantier d'insertion, on n'est pas dans l'insertion. D'accord. On n'est pas dans l'insertion, on ne peut pas se le permettre. D'accord. On aimerait bien, mais on ne peut pas. J'ai eu une patte locale. Mm-hmm, oui. Et ça serait mal vu par les autres associations qui font de l'insertion. On ne peut pas marcher sur leur plate-bande. Est-ce que n'importe qui peut adhérer à l'association culturelle du Remont, ou y a-t-il des contraintes, entre guillemets? Non, tout le monde peut venir. N'importe quel âge, n'importe quelle classe sociale? Oui, n'importe qui peut venir. Bon, ben, les mineurs, ils viennent accompagnés de leurs parents. D'accord. C'est normal. Bien sûr. D'accord. L'association culturelle du Remont travaille-t-elle en partenariat avec d'autres associations ou pas? Ça nous arrive de travailler avec le centre social. D'accord. Beaucoup avec Vaugilis. D'accord. C'est pas une association. De travailler des fois avec M. Huglen, quand on faisait des défilés de la Saint-Nicolas, M. Huglen de l'association Agastis venait avec un char qui nous prêtait gracieusement. D'accord. pour faire défiler les enfants en ville. Et ça fait 3 ans qu'on ne les fait pas défiler. Les enfants du Rumont aimaient bien, ils étaient représentés au moins sur le quartier de la ville. D'accord. On a un local pour faire le bâti, mais on n'a pas de local pour faire les costumes. Oui, je comprends. Donc, quels sont les événements et les actions futures qu'organise, ou même passées d'ailleurs, qu'organise l'association culturelle du Rumont pour mettre en avant justement l'association? On fait des arbres de Noël. D'accord. À l'école du Rumont, avec Beaujudice. D'accord. On aimerait bien faire plus, mais je ne peux pas annoncer des trucs que je ne peux pas tenir. J'ai plein de trucs que j'aimerais bien mettre en route, mais j'attends ce local pour mettre en route. Un exemple, je vous donnais avant, dans le quartier du Rumont, on avait un local. Tous les gens se réunissaient, il y avait des anniversaires, il y a même eu des mariages, il y avait des soirées crêpes, il y avait les anciens qui jouaient aux cartes, aux dominos. J'aimerais bien remettre ça en route. D'accord. Parce que les gens, ils demandent ce local. Mm-hmm. D'accord, oui. Oui. C'est vrai que paradoxalement, on a beaucoup parlé des jeunes, mais sur le quartier du Rumont, il y a un certain nombre de personnes d'un certain âge qui ont tendance à être isolées. Et bon, là, on a du mal à les approcher sans avoir un lieu où ils peuvent venir tranquillement, sereinement pour se rassembler. Oui. C'est vrai que la question du local, c'est une question qui est vraiment primordiale. Oui, c'est sûr que sans local, on ne peut pas faire grand-chose. Mais justement, pour avoir un local, vous avez déjà pris contact avec des organismes? Bon, on peut parler avec Beaujudice, qui mettrait un local à la disposition des associations et des habitants. D'accord. Gracieusement, les murs gracieusement. Mais il y a les charges à payer. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui. Alors, en espérant que la communauté de communes va faire quelque chose. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose avant la fin de l'année, moi. C'est un problème un petit peu compliqué, puisque c'est bon... Le quartier du Rumont est en cours en partie de rénovation, en particulier sur la partie qui était l'ancien centre social, qui est descendu il y a un certain temps au centre-ville, ce qui était également paradoxal. Et donc, les bâtiments de l'ancien centre social sont à remettre aux normes. Et actuellement, c'est un petit peu un débat entre la municipalité de Remiremont-Beaujélis, peut-être la communauté de communes. Et donc, c'est en cours, mais bon, ça va prendre un certain temps. Mmh. Et c'est dommage parce que c'était des équipements qui seraient de façon très adaptée pour un fonctionnement associatif au-delà même de l'association culturelle du Rumont. D'accord. Mais justement, est-ce que vous avez déjà pensé, par exemple, à contacter d'autres organismes comme Beaujélis? Non. D'accord. J'ai écrit beaucoup plus haut, mais je ne veux pas dire où c'est parce que je me ferais mal voir. D'accord. Donc nous allons nous accorder une deuxième et dernière pause musicale. Nous allons écouter Lou avec la reprise de Stromae Carmen. Et nous nous retrouvons juste après. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je t'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça. Toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offrir la demande pour une caisse de loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer. Moi, regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger. Moi, cet oiseau de malheur, je le mets en cage. Je le fais chanter. Moi, regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime. Garde à moi. jour tu verras, on s'aimera, et avant on crèvera tous comme des rats. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous venez d'écouter Lou avec la reprise de Stromae Carmen. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Gambade et Yveline Montlevran. Ça va toujours ? Ça va toujours. Ça va toujours. On a un petit peu discuté pendant la pause musicale. Et est-ce que vous pourriez développer un petit peu vos projets futurs, vos projets, vos ambitions, vos envies ? Oui. Alors le premier dont on va peut-être parler, c'est la fête de quartier. Parce que c'est un petit peu une tradition sur le quartier du Rumont. Les gens y sont très attachés, pratiquement depuis des années. Tous les ans, ils se tenaient une fête de quartier, soit au début d'été, enfin en général fin juin. Et les gens aiment beaucoup s'y retrouver. Mmh. Alors il y a eu une période où ça a été organisé par un collectif d'associations. D'accord. Ensuite, l'association culturelle du Rumont a repris la fête de quartier. Mmh. Mais faute d'un local, faute de moyens humains peut-être un peu suffisants, on n'a pas pu la tenir l'année dernière, donc elle n'a pas eu lieu. Et cette année, elle est en point d'interrogation. D'accord. C'est-à-dire que là, on va travailler avec... l'association des usagers du centre social et le centre social qui va essayer de remettre quelque chose en route. Conseil du citoyen. Et éventuellement le conseil du citoyen. Mais c'est pas toujours facile parce que ça demande quand même des infrastructures importantes, une organisation surtout importante. Et quand on peut pas trop se réunir, c'est pas très simple. Mais je pense qu'il faudra qu'on travaille prioritairement à remettre cette fête de quartier en vigueur, parce que c'est quelque chose qui tient au cœur des habitants. Mmh. Ils y viennent avec les enfants, les poussettes, etc. Tout ça, c'est très, très convivial. C'est un des événements du quartier. D'accord. Alors, l'autre projet, mais qui est vraiment, entre parenthèses, tant qu'on n'a pas de local, on en a parlé très rapidement, c'est la réalisation d'un char pour Saint-Nicolas. Mmh. Alors, c'est vrai que ça... moi, je ne suis pas du tout une fanatique des déguisements ou de ce genre de choses. Quand même, le char, ça permettait à plein de gens et des enfants de fabriquer quelque chose, chacun pour sa partie, et au quartier du Rumont d'être vu au centre-ville. Le défilé de Saint-Nicolas sur Remiremont, c'est quelque chose d'assez, j'allais dire pas guindé, mais un petit peu... Et voir des chars comme on en a réalisé, vraiment avec le quartier du Rumont, ça a été quand même quelque chose d'important. D'accord. Alors le problème, comme a dit Christian, le dernier qu'on a monté, on avait loué un garage, mais avait très loué, peu de place. Mis gracieusement à disposition par Vaugelis. On avait très peu de place pour monter l'extérieur. Et puis au niveau effectivement de faire travailler les enfants sur des décorations, etc., c'était pas possible. Donc, on avait le local, l'ancien local du centre social. Pas la dernière année. La dernière année, si, avec des horaires spéciaux. Ouais. Des horaires qui ne correspondaient pas aux gens. Après le devoir ou les après-midi, c'était dur à travailler. D'accord, oui. Voilà. Parce qu'on aimera un local, l'après-midi, il y a des gens qui veulent venir, ils viennent. Mais avec des horaires, les gens n'étaient pas disponibles. Il y avait des jours, des heures qu'on aura à local, mis à disposition. Ça serait bien. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui. Autre projet qu'on va peut-être mettre en route, parce qu'on a fait une expérience l'année dernière, alors dans un domaine un peu différent, on avait demandé l'attribution d'un chalet de Noël. Mmh. Et on a fait fonctionner un chalet de Noël. avec des gens, justement, spontanément, qui ont apporté leur production, qui ont participé, etc. C'était intéressant, au niveau du lien social, intéressant. Oui. Alors, c'est pas toujours simple à mettre en place. On va faire la demande de nouveau cette année, on verra ce qu'il en est. Hein, mais cette fois-ci, en se préparant peut-être un peu plus, et en faisant peut-être travailler plus les enfants, mais c'est une autre expérience différente. D'accord. Oui, on aimerait bien faire... faire monter des petits trucs, les enfants qui fassent des petits objets de leurs mains, mmh. et les revendre pour, avec cet argent, la réinjecter dans le quartier, mmh. qui permettrait de faire une sortie ou... Oui, d'accord. Oui. Bien sûr. Bien, oui. Autre chose, peut-être ? J'ai plein de projets que j'aimerais bien annoncer, tant mais... qu'on n'a pas de local. Voilà. Vaut mieux pas prendre de risques. Ouais. Je ne vais pas prendre de risques. Je comprends. Je vais pas annoncer quelque chose que je pourrais pas tenir. Je suis pas comme ça. Bien sûr, oui, je comprends. Quand j'annonce quelque chose, c'est que c'est sûr. Si c'est pas sûr, mmh. je ferme ma bouche. D'accord. Je sais, j'ai une grande gueule. Oui. Ben donc, pour en revenir enfin au jardin partagé. Oui. Donc, on a démarré sur le Petit Rumont, donc sur le quartier du Fouchot, mmh. hein, avec jardinage en bac sur des surfaces assez restreintes. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse alors, lancer, peut-être piloter en partie, une extension sur le quartier du haut du Rumont, hein, là où se concentre plus de population. Alors là, le problème, c'est qu'il faut vraiment trouver un terrain. Il y a des terrains qui ne sont pas sécurisés. Il y a d'autres parcelles qui sont extrêmement en pente, ce qui fait que ce n'est pas facile d'y faire quelque chose. Donc, c'est en gestation. Mmh. On est partant, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis bon, là, il faudra qu'il y ait quelqu'un sur le Rumont proprement dit du haut qui pilote aussi et qui ne serait-ce que pour piloter le compostage. Ouais. Hein, parce que tu peux le dire. J'ai déjà deux personnes en vue. Je vais pas donner leur nom parce que si ça se fait pas, voilà. Bien sûr. Je sais que sur le Fouchot, on a 10 bacs mmh. et il y a encore de la demande pour l'année prochaine. Les gens, ils veulent encore des bacs. D'accord. Et tu peux parler du compostage, comment tu gères, parce que... Oui, compostage, il y a 3 bacs à Maçonrue. Un où on met le compost, où on mélange. Un jeune de Maçonrue qui s'appelle Michael, mm-hmm. qui s'en occupe. Les gens mettent leur compost, on met un petit peu de bois dedans pour tasser, on mélange. Il y a un autre compostage sur le Fouchot, du côté piscine. C'est moi qui le gère. D'accord. Et ça marcherait très bien. Au début, ça a été tout doucement. Ça marcherait très bien. Tout le monde a leur petit seau. Mm-hmm. Tout le monde va remettre les déchets. D'accord. Donc tout le monde... Après, avec le compost, soit on le met dans les bacs, ou soit les gens ils le prennent pour chez eux, pour leur petit pot de fleurs. Mm-hmm. Mais il faut attendre un an. D'accord. Oui, donc là, on comprend bien que tout le monde met la main à la pâte. Ouais. Pour. Mm-hmm. Oui, c'est ça. D'accord. Autre chose peut-être à... Ou pas. Pour l'instant... Non, mais on espère qu'on va pouvoir continuer. À chaque fois, je vais dire, chaque manifestation, c'est un plaisir de rencontrer des gens, de connaître des gens nouveaux, très variés, de fréquenter les gamins. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, on marche grâce aux subventions, mais si on pouvait faire plus d'actions en fait, du quartier, on pourrait rentrer un petit peu d'argent. Mais là, ce n'est pas le cas. Oui. Là, ce week-end, on a sorti les enfants au poney, petit barbecue, on a invité les gens, c'était offert. Mmh. On demanderait bien une participation, mais comme c'est un quartier en zone difficile, oui. les gens n'ont pas beaucoup d'argent, c'est dur. Donc, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de En route vers l'insertion. Je remercie une nouvelle fois Christian Gambade et Yveline Montlevran d'avoir accepté notre invitation. Et... Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En route vers l'insertion et lundi pour un nouveau numéro de La Christoire du cinéma. Mais bien sûr, vous connaissez la chanson désormais. Cette émission sera disponible en podcast sur notre site www.radioguemozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo, avec tous les liens utiles. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir.